Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un très beau film avec Catherine Deneuve. À l'origine, Abel et Junon eurent deux enfants, Joseph et Elisabeth. Atteint d'une maladie génétique rare, le petit Joseph devait recevoir une greffe de moelle osseuse. Elisabeth n'était pas compatible, ses parents conçurent alors un troisième enfant dans l'espoir de sauver Joseph. Mais Henri, qui allait bientôt naître, lui non plus, ne pouvait rien pour son frère, et Joseph mourut à l'âge de 7 ans. Cette maison appartient à mon mari. Il en a hérité le jour de notre mariage, et nous y avons vécu depuis. Nos enfants n'habitent plus avec nous maintenant. Ils viennent parfois en vacances et... Cette année, grâce à ma maladie, la famille va se réunir. Il ne veut jamais m'appeler sa mère. C'est moi qui ai un cancer. Ça, je le sais. Je ne veux plus voir mon frère, et je ne veux plus qu'il m'adresse la parole. Jamais. J'ai pas été une très bonne mère, hein. Non. J'ai aimé un peu tes frères et sœurs, mais moins que ton père ne les a aimés. Mais que vous êtes bizarre dans ta famille. Vous n'aimez pas beaucoup Sylvia. Moi, vous m'aimez bien. Pourquoi? Vous me prenez celui que je n'aime pas. Maintenant que ça fait 5 ans, dis-moi ce qui s'est passé pour qu'Elisabeth te déteste à ce point. J'ai jamais compris, rien vu venir. Tu peux duper le reste de la famille, pas moi. Elisabeth, tu as un vrai problème relationnel. Tu ne m'aimes toujours pas, hein? Je ne t'ai jamais aimé. Non plus. Un conte de Noël, un film d'Arnaud Desplechin, sélection officielle au Festival de Cannes 2008. Catherine Deneuve et une pléiade d'excellents comédiens dans ce DVD bac vidéo.